Section 11 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Chapitre 11. Georges et Charlotte s'aimaient-ils? S'étaient-ils jamais aimés? Celui qui, sans les connaître et sans rien savoir de leur vie, eût assisté à leur entretien sur la grève, eût été assez embarrassé pour répondre à cette double question. Que Charlotte aimât son cousin, cela n'était pas douteux. Son amour se lisait dans ses regards. Il rayonnait de toute sa personne comme la chaleur et la lumière rayonnant d'un foyer. Il n'était même pas besoin d'entendre les paroles prononcées par ses lèvres pour comprendre que c'étaient des paroles de tendresse qui jaillissaient d'un cœur ému. L'attitude, le geste, l'accent, le silence même, tout en elle affirmait ses sentiments. Mais pour Georges, l'interrogation qu'on se posait ne pouvait pas se résoudre aussi facilement. Un homme de 30 ans ne se livre pas comme une jeune fille élevée dans la maison paternelle, alors surtout que cet homme, par une étude de chaque jour, s'est rendu maître de sa parole et de son attitude. Où est le vrai en lui? Dans ce qu'il montre ou dans ce qu'il cache? Faut-il croire ce qu'il dit ou bien seulement ce qu'il laisse entendre? Ces paroles tombées de ses lèvres, en réponse aux instances de Charlotte, se résumaient en un seul mot. Il ferait tout ce qu'il pourrait pour modifier les dispositions de son oncle. Mais si telles étaient ses intentions, comment expliquer les railleries par lesquelles il avait tout d'abord accueilli les accusations de M. de La Hérodière et que Charlotte lui répétait? On ne raille pas lorsqu'on est profondément ému. On se laisse emporter par la colère ou par la douleur. On ne reste pas assez maître de soi pour faire parler son esprit. C'est le cœur qui crie. Chez Georges, dans sa voix, comme dans son regard, il n'y avait pas eu un moment d'élan. Quand Charlotte lui avait expliqué quelles raisons M. de La Hérodière opposait à leur mariage, il avait pâli, et ses lèvres s'étaient contractées. Évidemment, ces raisons lui étaient pénibles, mais le blessait-elle dans son amour ou seulement dans son amour propre? C'était ce qu'on ne pouvait démêler. Quand elle avait insisté pour qu'il se justifiât, lui prouvant que s'il persistait dans sa colère, c'était leurs espérances anéanties et leur bonheur perdu à jamais, il n'avait montré aucun trouble. À vrai dire même, le seul sentiment qui se manifesta en lui pendant cet appel était la curiosité. C'était à croire qu'il n'avait en ce moment d'autre souci que de deviner par un examen attentif comment elle accepterait cette rupture de leur mariage. Enfin, quand en se tournant vers lui et le prenant par la main, elle l'avait regardé en face en jetant son cri désespéré « Vous ne m'aimez plus !» il était resté impénétrable. C'était seulement après un temps assez long qu'il avait trouvé une réponse. Il est vrai qu'à ce moment, il s'était animé et que dans cette réponse, il avait mis une certaine chaleur. En parlant, sa voix s'était peu à peu émue et son regard s'était attendri. Mais d'où provenait cette émotion et cette tendresse? À qui appartenait-elle? À l'amant ou bien à l'avocat qui s'échauffe par sa propre parole? Ces questions restaient sans réponse précise, perdues dans l'incertitude, le doute et la contradiction. Et celui-là seul eût pu les résoudre qui aurait su par quels sentiments divers Georges avait passé depuis le jour où un projet de mariage entre lui et sa cousine était né dans l'esprit de Madame de La Hérodière. Le jour où ce projet lui avait été communiqué, Georges ne pensait guère qu'il dût se marier jamais. Il était collégien et Charlotte était une petite fille qui jouait à la poupée. Madame de La Hérodière, en femme d'imagination qu'elle était, voyait les choses de loin. Dans ce collégien appliqué au travail, assidu, rangé, que ne rebutait aucune peine et qui n'avait pas peur de l'effort, pourvu que cet effort le fît avancer, elle avait reconnu un caractère comme elle les aimait. Il était de son sang, le vrai fils de sa sœur, l'héritier de leur père qui lui aussi avait été dur au travail, âpre au gain, et qui eût fait une grande fortune si la mort ne lui en avait donné le temps. C'était le soir d'une distribution de prix et Georges était rentré dans la maison de son oncle pliant sous le poids de ses livres. Les volumes couvraient la table du salon et Charlotte s'amusait à jouer avec les couronnes. Elle les effeuillait pour donner les feuilles en pâture aux animaux de sa ménagerie. Madame de La Hérodière, seule avec les deux enfants, regardait son neveu qui, sans perdre de temps, s'était plongé dans la lecture d'un de ses volumes. « Ferme ton livre, lui dit-elle, et viens près de moi que je te parle. Tu es un brave garçon et je suis contente de toi. Si je ne t'ai pas fait de compliment tantôt, c'est que je n'aime pas les démonstrations en public. Mais maintenant, je peux te dire ce que je pense, et je le veux, parce que j'espère que cela t'encouragera à persévérer, et même à faire plus encore. Tu as très bien compris qu'étant le fils d'un père sans fortune, tu ne pourrais arriver à être quelqu'un un jour que par un travail acharné. Cette disposition-là vaut une fortune. Ton caractère me plaît, j'aime ta volonté et ton courage. Aussi, je veux être plus pour toi qu'une tante. Que dirais-tu si un jour, dans plusieurs années, je te choisissais pour gendre et te donnais Charlotte pour femme? Mais pour que cela puisse se réaliser, il faut que tu travailles, car tu penses bien que je n'irai pas donner ma fille, qui aura 100 000 francs de dot, à un homme qui n'aurait rien à nous offrir en échange. Donnant-donnant, c'est la loi de la vie. D'un côté, la dot de ma fille, d'un autre, une belle position conquise par toi à force de volonté et de travail. Il y a échange. Et nous sommes à une époque, vois-tu, où ces positions peuvent se conquérir et appartiennent, en fin de compte, à ceux qui savent les prendre. Où ton oncle ne serait-il pas arrivé s'il avait voulu? Mais, malgré toute son intelligence, ton oncle n'est pas un esprit pratique. Il demande au travail le plaisir du travail, et non le profit qu'il doit donner. Il faut un but. Quand on voit clair et qu'on marche droit, on va loin. Georges avait été assez peu sensible à cette proposition. Il avait 16 ans, et Charlotte en avait 6. Dans cette petite fille aux cheveux frisés comme un bébé en cire, qui criait encore quand on la contrariait ou quand elle se blessait, il ne voyait pas sa femme. La seule femme, d'ailleurs, qui jusqu'à ce jour eût soulevé sa tunique à l'endroit du cœur, était une vieille comédienne qui, au théâtre d'Orléans, jouait les travestis. Le vicomte de Létorrière, les premières armes de Richelieu, gentil Bernard. Pour lui, les femmes portaient des culottes courtes, celles qui n'avaient pas de bottes aux jambes et de la poudre à la tête ne lui disaient rien. Mais la question de sentiment n'était pas tout pour ce collégien précoce qui déjà savait calculer. 100 000 francs, c'était un trésor des 1001 nuits. Il aurait donc 100 000 francs un jour, lui qui faisait des économies pendant toutes les vacances pour avoir 10 francs dans sa bourse au moment de la rentrée, et tous ces beaux livres qui garnissaient le cabinet de son oncle seraient à lui. Alors il avait envisagé la proposition de sa tante à un point de vue plus favorable. Et à 17 ans, il s'était habitué à l'idée qu'il ferait un mariage riche, s'il le voulait. Charlotte, depuis ce moment, avait figuré devant ses yeux avec une clé d'or à la main, la clé qui, quelques années plus tard, lui ouvrirait la route de la fortune. 100 000 francs de dot, sans compter les espérances, sa tante était une excellente femme, une bonne parente pour avoir conçu ce projet, et Charlotte était une petite fille qui méritait qu'on eût de la patience pour ses exigences d'enfant. Il s'était prêté à ses jeux, et tous les ans, aux vacances, au 1er janvier et à la Saint-Charles, il s'était rappelé à son souvenir. Une boîte arrivait régulièrement par le chemin de fer à ma cousine Charlotte, son amie Georges. Mais peu à peu, la petite cousine était devenue une jeune fille, les cheveux brisés du bébé s'étaient échangés en 2 belles tresses blondes, les yeux s'étaient agrandis et alanguis. La petite chenille s'était métamorphosée en un beau papillon, la femme avait remplacé l'enfant. Un nouveau sentiment s'était alors éveillé chez Georges, et dans Charlotte, il n'avait plus regardé seulement la clé d'or. Elle était ravissante, cette petite cousine, avec ses grands yeux doux et tendres. Elle avait une façon de prononcer le nom de Georges qui était une caresse. Et puis, comme elle était gracieuse, lorsqu'elle courait dans le jardin, ses cheveux au vent, elle serait vraiment une femme charmante. Assurément, si à ce moment il avait pu devenir son mari, il eût été pleinement heureux. Elle avait 16 ans, il en avait 26, et au triple point de vue de la fortune, de la position et de l'amour, ce mariage se présentait sous les aspects les plus agréables. Mais la condition imposée par Monsieur de la Hérodière avait arrêté la réalisation de ses désirs. Il avait fallu attendre le délai fixé, et pour le moment, se contenter de dire tout bas à la chère petite cousine qu'on serait le plus heureux des hommes le jour où l'on pourrait devenir son mari. Franchement, la petite cousine avait répondu que ce jour-là, elle serait la plus heureuse des femmes. En attendant ainsi, la position de Georges avait changé, et le petit avocat, qui à 22 ans considérait la clé que Charlotte tenait à la main comme étant en or, à 26 ans ne la considérait plus que comme étant en argent, et à 28 que comme étant en cuivre. 100 000 francs de dot, la belle affaire, pour un homme qui serait bientôt député. Quelle maison pourrait-il tenir avec 5 000 francs de rente? Les femmes coûtent cher, ce serait la misère, et la misère à l'entrée de la vie. Les enfants arriveraient, avec eux tous les ennuis de la famille, ils seraient entravés, arrêtés avant d'avoir pu faire le pas décisif qui devait le mettre à l'abri du naufrage. Sans doute, Charlotte était charmante. Nul mieux que lui ne le savait. Mais enfin, elle n'avait pas les qualités nécessaires à la femme d'un ministre. Où les aurait-elle acquises? Elle ne pourrait pas aider son mari. Elle aurait des timidités, des embarras, des scrupules, qui seraient une charge intolérable. Pourquoi se marier, d'ailleurs? La religion, l'ambition sont exclusives. L'homme politique se marie tard, quand il est arrivé. S'il a une femme, une famille à traîner derrière lui, il n'arrive jamais. Vivre sans aimer, le sacrifice est appréciable, mais enfin, il ne faut pas s'en exagérer l'importance. Qu'est-ce que l'amour, après tout? Pour les uns, un ensemble de phénomènes cérébraux, dans lequel prédomine l'instinct sexuel. Pour les autres, une névrose des organes de l'imagination. En réalité, une maladie. Est-ce que les hommes vraiment forts succombent à cette maladie? C'était dans ces dispositions que Georges était arrivé à la crique. Aussi les confidences de Charlotte ne l'avaient-elles tout d'abord que fort peu ému. Monsieur de la Hérodière le repoussait et ne voulait plus de lui pour gendre. Eh bien, c'était un moyen de sortir d'une position qui devenait d'autant plus embarrassante qu'il n'avait pas de reproches véritables à adresser à Charlotte, et que les prétextes à trouver pour légitimer une rupture étaient difficiles. Comment supporterait-elle cette rupture? C'était ce qu'il avait tâché de lire en elle à mesure qu'elle parlait. De là ses diverses attitudes durant ce long entretien. De là son sang-froid, son insensibilité et ses railleries. Mais quand Charlotte l'avait pris par la main, l'homme fort avait faibli. Cette main qui brûlait la sienne, ses yeux éplorés qui s'attachaient sur lui, ses lèvres charmantes, crispées par l'angoisse, avaient amolli son cœur. Le souvenir des anciens jours avait fait taire les résolutions prises dans le calme de la réflexion. L'ambitieux s'était évanoui, l'amoureux s'était retrouvé. Comme elle était charmante dans sa douleur, comme elle était éloquente dans son indignation. L'esprit peut vieillir, le sang reste jeune. En réalité, il n'avait que 30 ans. C'était donc de bonne foi et sous l'impression d'un sentiment sincère qu'il avait pris l'engagement de triompher des empêchements que M. de la Hérodière opposait à leur mariage. Fin de la section 11.